Vous écoutez Futur Simple à l'antenne de CKRL ou 89.1. On va terminer l'émission spéciale génétique en se tournant vers les animaux et plus précisément les animaux disparus. Avec un peu d'anticipation, on peut imaginer faire revivre ces animaux à partir de leur ADN. Question de technique, mais aussi question d'éthique. Alors, c'est un sujet de Mélanie Jean. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Ben oui, depuis plusieurs années, on entend souvent parler de scientifiques qui désirent faire revivre des mammouths, même des dinosaures, ou d'autres espèces qui sont récemment éteintes. C'est un fantasme, ça, je pense. Oui, et ça fait vraiment souvent la manchette. D'ailleurs, en septembre 2012, il y avait un article qui parlait du clonage du mammouth. Là, c'était le sujet de l'heure. Les médias criaient haut et fort là, qu'on avait suffisamment d'ADN de mammouth parce que là, on en avait retrouvé en Sibérie. On avait trouvé de la fourrure, des tissus et même de la moelle osseuse. Donc, ça a été très bien conservé, je pense, à part ça. Ben, parce que c'était dans le pergélisol. Donc, c'est comme si on mettait ça au congélateur. Et là, ça y est, les médias étaient emballés. On va cloner des mammouths. Et plus récemment, il y a aussi eu une conférence qui s'est tenue l'année passée dans la ville de Washington, qui était même, c'est très sérieux parce que c'était parrainé par le National Geographic, non, rien de moins. Et là, des scientifiques se sont réunis pour discuter de la possibilité de ressusciter 24 espèces qui sont aujourd'hui éteintes. OK. Pas moins de 24 espèces. Quand même. Mais sur quelles espèces? Quelles espèces ils privilégiaient et aussi sur quels critères scientifiques ils ont arrêté leur choix? Eh bien, parmi les candidats qui étaient potentiels à faire ressusciter, si on peut dire, qui pourraient repeupler la Terre, les scientifiques ont mis en évidence tout d'abord 795 espèces, mais de cela, ils en ont gardé comme 24 emblématiques. Okay. La sélection s'est faite selon des critères de désirabilité. Est-ce que le spécimen en question présente une fonction écologique intéressante, par exemple? Est-ce qu'il est apprécié des humains? Aussi un critère de faisabilité. Est-ce que les échantillons d'ADN récoltés sont exploitables? Et aussi de capacité de réadaptation. Est-ce que l'espèce pourrait être réintroduite dans un habitat naturel? Donc, ce sont les questions principales qui se sont posées. Et quelles en seraient les conséquences aussi, là? Oui. Parmi les 24 espèces de la liste, on retrouve le fameux dronte de Maurice, le dodo, qui est éteint depuis la fin du 17e siècle. Il y a aussi le tigre à dents de sabre, le fameux mammouth qu'on a parlé au début, qui lui est totalement éteint depuis 4000 ans. Il y a aussi la conure de Caroline. Ça, c'est une espèce de perroquet qui vivait aux États-Unis et dont le dernier spécimen est mort en 1918. Et il y a aussi le caga, c'est une sous-espèce de zèbre qui vivait en Afrique du Sud, dont le dernier individu est mort en captivité en 1883. Et comme nous l'avons déjà vu d'ailleurs dans la chronique de Jean Daniel qui est passée en janvier dernier, ramener des espèces à la vie et des espèces éteintes, c'est vraiment loin d'être facile. Et puis les méthodes utilisées sont vraiment encore au stade là, très expérimental. C'est un projet qui soulève d'ailleurs aussi, surtout, un débat éthique. Ah ben oui. Parce que là, à la question, est-ce qu'on doit vraiment ressusciter les espèces disparues? Ben là, certains scientifiques répondent que oui, on doit le faire parce que on peut le faire. Et qu'il s'agit d'une décision qui est faite en toute connaissance de cause. D'autant plus que l'homme, dans la grande majorité des cas, est responsable de l'extinction de ces espèces disparues. Donc, il y a plusieurs scientifiques qui sont pour ça. Mais aussi, du point de vue scientifique, c'est un magnifique défi aussi à réaliser. Oui, là, c'est vrai. Oui. La résurrection d'espèces disparues pose aussi des questions juridiques et assez insoupçonnées d'ailleurs. Si on met de côté le fait de savoir comment s'appliqueraient les législations et les réglementations concernant les espèces menacées, on peut se demander si les espèces recréées feraient ou non l'objet de brevets. Parce que là, en fait, c'est comme une création. Puis là, on se demande, jusqu'où faut-il aller? Puis c'est qui va poser les limites et l'encadrement de ces lois-là et concernant ces nouvelles... En fait, c'est pas des nouvelles, là, mais c'est une recréation d'espèces. D'espèces, effectivement. Mais j'imagine aussi qu'il doit y avoir la position inverse, c'est-à-dire des gens qui pensent qu'il ne faut pas ressusciter des espèces disparues. Exactement. Il y en a qui disent que c'est absolument pas une bonne idée. Tout d'abord, pour le bien-être même de l'animal, parce qu'il risque de souffrir de pathologies diverses, parce que là, c'est pas, ça marche pas du premier coup. Non, ça c'est certain. Là. Et aussi, y a un risque sanitaire, parce que là, les espèces qu'on ressuscite, ils peuvent se révéler d'excellents vecteurs pour des pathogènes. Et posséder aussi dans leur génome des rétrovirus endogènes qui seraient potentiellement dangereux, pas pour eux-mêmes, mais pour d'autres espèces. C'est ça. Et même pour nous, à l'église. Aussi, c'est oui. Ça. Il se peut également que dans l'environnement actuel, des anciennes espèces se comportent comme des espèces invasives et mettent en péril les espèces qui seraient là, qui seraient dans un état précaire. Et des écosystèmes aussi. Oui. Il existe aussi un risque écologique qui est un peu plus subtil. C'est que la possibilité de ressusciter à volonté une espèce conduise à un relâchement et voire à la fin des politiques de protection des espèces menacées. Ben oui. Comme si on se dit, bah, c'est pas grave s'il est plus là, on va le faire revenir. On va le créer. C'est ça, tu sais. Une espèce de, on s'en préoccupe pas trop, puis on laisse aller. Ben, justement, peut-être qu'il serait préférable de concentrer nos efforts sur les espèces encore existantes, mais sur le point de disparaître, par exemple. Oui. Car je crois que la liste des espèces en danger d'extinction ou disparues à l'état sauvage ne cesse de s'allonger d'année en année, n'est-ce pas? Ben, tu as tout à fait raison, parce que là, la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature ne fait que s'allonger. Sur celle-ci, il y a 64 espèces connues qui sont actuellement éteintes à l'état sauvage. Ces espèces aujourd'hui disparues, ils survivent uniquement en fait grâce à l'élevage. Par exemple, le cheval de Przewalski, fait partie des espèces qui ont survécu jusqu'à nos jours, uniquement parce qu'il y a des zoos qui ont gardé des espèces en captivité. Okay. Sinon, il est complètement disparu à l'état sauvage. Et qui se reproduisent en zoo, j'imagine aussi. Oui, là. C'est il ça. Plus dans le milieu naturel. Il y en a aucun. Ça vivait en Mongolie, dans ce coin-là, et il y en a plus du tout. Okay. Puis aujourd'hui, 40% des reptiles de l'île de Madagascar qui sont en danger d'extinction. Mais d'ailleurs, parenthèse, l'île de Madagascar, pratiquement toute, est en danger d'extinction. Ouais. D'autres espèces sont, pour leur part, malheureusement, complètement disparues. C'est le cas notamment du dauphin de Chine. On en a plus vu depuis 2007. Le fameux tigre de Tasmanie, disparu depuis 1963. Le caga que j'ai parlé tout à l'heure, là, 1883, c'est pas super loin. Et le fameux dodo. On en aurait vu la dernière fois, remonte environ à 1698. OK. Et ce dernier est d'ailleurs vraiment là, un archétype ultime de l'espèce éteinte, parce que sa disparition est survenue à une époque qui est vraiment pas si lointaine que ça. Et c'est directement lié à l'activité humaine. Ouais. L'extinction d'espèces, puis d'ailleurs, c'est pas du tout un phénomène récent, là. La seule différence avec aujourd'hui, c'est qu'elle est vraiment plus à 100% de cause naturelle. Okay. L'exploitation des ressources, la chasse, la transformation des milieux, là je parle d'incendie, mais aussi d'agriculture et de déforestation, donc ça c'est pour cause humaine. Les habitants, oui, c'est ça. Oui, l'introduction de nouvelles espèces qui vont entrer en concurrence avec les espèces locales. La monoculture, ça c'est très mauvais pour un écosystème. Ouais. Ben, ça c'est tout plein d'exemples qui, à la longue, conduisent à la disparition de nombreuses espèces sur Terre. Mm-hmm. Puis depuis le début du 19e siècle, là, on est en accélération constante, surtout depuis les années 50, là, 1950. La disparition touche des espèces de toutes les tailles et de tous les genres. Le taux d'extinction actuel, pour te donner une idée, c'est de 100 à 1000 fois supérieur au taux moyen naturel qu'on constate depuis l'histoire de l'évolution. Okay. En 2007, toujours selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, il y a un mammifère sur 4, un oiseau sur 8, un amphibien sur 3, et 70% de toutes les plantes qui sont en péril aujourd'hui. Okay. Donc, c'est un triste tableau là, que tu nous dépeins là. Oui, c'est pas très positif. Hein? Non, effectivement. Puis, malheureusement, les arguments moraux vont peut-être faire très peu de poids face à l'appât du gain. Parce que là, je reviens à la résurrection des espèces. Imaginez-vous combien de familles vont être prêtes à payer un billet d'entrée au zoo juste pour voir un mammouth ou un tigre à dents de sable vivant. J'avoue. Ou un dinosaure, à la limite. Oui, ça par contre, ça risque d'être un peu compliqué. L'ADN est trop dégradé. C'est ça, ça fait trop longtemps. Mais j'avoue moi-même que voir un mammouth, je serais vraiment très impressionnée. Mm-hmm. Mais il y a déjà beaucoup d'argent qui a été investi dans ces projets-là de résurrection d'espèces. Mais c'est dommage qu'on finance pas autant la sauvegarde des espèces actuelles, parce que c'est vraiment sous-financé comparativement à ces recherches-là. Donc c'est un peu dangereux de tomber dans l'appât du gain, puis aussi dans le laxisme de « bon, ils disparaîtront, c'est pas grave, on va les ramener ». J'ai une autre question pour terminer, Mélanie. Évidemment, si on pense ressusciter des espèces, est-ce qu'on pourrait aussi ressusciter à la limite des individus comme des humains, comme Albert Einstein, Il y a un projet extrêmement controversé de ramener l'homme de Néandertal. OK. Là, imaginez-vous, c'est un être humain même si c'est pas la même, espèce, mais ça reste un hominidé. J'imagine qu'il va être breveté. Imaginez-vous une personne brevetée. Puis imaginez-vous là, ils vont à quel point sa vie. Imaginez sa vie là, c'est comme un singe dans un zoo là. Ouais. Non, je voudrais pas être à la place de si ça arrive là, de cet individu là. Uh-huh. Ben écoute, merci beaucoup, c'est un Mélanie, plaisir. Pour cette excellente chronique. Alors, vaut mieux prévenir que guérir. Oui, vraiment. Qui dit que c'est vrai aussi pour la conservation des espèces. Merci, Mélanie.